Une femme se venge. Roman par Nicole Morand. Chapitre 1. Le train glissait, rapide et souple, et Brigitte regardait sans le voir le décor triste et gris de la banlieue parisienne sous le ciel d'automne. Des visions beaucoup plus riantes se pressaient un peu en désordre devant les yeux de la jeune fille, une villa provençale pleine de lumière et de chaleur qui l'accueillerait ce soir, un cortège de mariage où elle figurerait après-demain, jolie et souple dans le fourreau de satin bleu lavande, plié là, au-dessus d'elle, dans la valise de cuir brun. Brigitte savait qu'elle ferait une demoiselle d'honneur plus qu'acceptable. Au fait, quel visage aurait son cavalier ? Un cousin de Marianne, sans doute, prévu peut-être pour qu'un second mariage se fasse un peu plus tard. Les jeunes filles, parfois, ont cette idée, lorsqu'elles sont prêtes au bonheur, de vouloir y convier aussi leurs amis. Et l'idée pouvait d'autant plus avoir souri à Marianne que Brigitte était son aînée de 2 ans. La jeune fille eut un rire intérieur à cette pensée. Non, elle ne se laisserait pas enchaîner, pas encore, et puis, surtout, elle ne voulait pas d'un mariage arrangé. Brigitte aimait la danse et le flirt. Elle ne connaissait pas l'amour, celui qui cause les grands bonheurs et les souffrances profondes, mais elle aimait qu'on lui fît la cour. Sa beauté, sa réserve un peu mystérieuse, coupée souvent de brusques accès de gaieté enfantine, sa grande liberté, tout cela attirait les hommes. Aucun, pourtant, jusqu'alors, n'avait éveillé en Brigitte de réactions profondes. La jeune fille ne s'en désolait nullement. L'amour passerait bien un jour sur sa route. En l'attendant, elle profitait de sa jeunesse et de sa liberté. Ainsi donc, Marianne se mariait. Les jeunes filles ne s'étaient pas vues depuis 2 ans, après avoir passé ensemble 8 années dans la même institution, pensionnaires toutes les deux. Chaque été, Brigitte avait passé la plus grande partie de ses vacances au Pignan, où les parents de Marianne l'accueillaient comme une seconde fille, heureux que la gravité de l'aînée discipline un peu la pétulance toute méridionale de Marianne, aussi brune que Brigitte était blonde. Physiquement, les deux amies étaient aussi dissemblables que possible. Brigitte, longue et mince dès l'enfance, Marianne, petite et rablée, le visage mat, éclairé d'immenses yeux ardents. Quel jeu dans le parc des Pignans, la villa provençale envahie chaque été par une armée de cousines et de cousins bruyants. Quelle baignade mouvementée dans les flots tièdes, quelle vie simple et gaie dans l'accueillante maison. C'était pourtant sans ennui que Brigitte et Marianne regagnaient, à l'automne, la pension de Louveciennes. Industriel exploitant dans le Midi un important gisement de bauxite, le père de Marianne avait choisi d'éloigner sa fille chaque hiver, car sa femme était de santé fragile d'une part, vite fatiguée par la turbulente Marianne, et d'autre part, les Pignans, éloignés de tout centre important, n'auraient pas permis de donner à l'enfant l'éducation complète que souhaitaient ses parents. Brigitte songeait. 2 ans déjà qu'elle avait quitté Louveciennes pour aller passer une année entière en Angleterre, puis une autre en voyage incessant. Marianne, elle, était restée encore 1 an à l'institution et, ses 18 ans sonnés, elle était revenue au Pignan. Au cours de l'hiver écoulé, très peu de temps après son retour, elle s'était fiancée avec Gérard Baudouin, un ingénieur qui la ramènerait à Paris en attendant qu'il se décide à entrer dans l'exploitation de son beau-père. C'est du moins ce que la jeune fille avait écrit à son amie, car pendant ces 2 années de séparation, Brigitte et Marianne n'avaient jamais cessé de correspondre. « J'entends que tu assistes à mon mariage », avait exigé Marianne dans une de ses dernières missives. « Tu m'as lâché 2 étés de suite. Je veux que tu sois auprès de moi ce jour-là, quitte à partir en Chine ensuite, si tel est ton désir. » Brigitte, d'ailleurs, ne s'était pas autrement fait prier et elle avait organisé son été de façon à être libre à la date fixée. Comment était ce Gérard, dont Marianne parlait dans ses lettres avec tant d'enthousiasme. Il m'aime, je l'aime, nous nous aimons. La conjugaison entière du verbe aimer ne suffit pas à décrire un homme, pensa Brigitte, amusée, tandis qu'un sourire involontaire montait à ses lèvres. Et ce sourire déclencha une grande agitation chez le garçon assis en face de la jeune fille. Il rectifia le nœud de sa cravate, passa sa main dans ses cheveux pourtant soigneusement lissés, tenta de se voir dans la vitre du compartiment, se demandant sans doute ce qui, dans son apparence extérieure, pouvait choquer sa voisine jusqu'à la faire sourire. Jusqu'à cet instant, Brigitte ne s'était même pas rendue compte que la place en face d'elle était occupée, perdue qu'elle était dans ses pensées. Mais, en quelques secondes, l'immobilité du jeune homme s'était muée en mouvements rapides, presque inquiets, et, sans que le sourire fût encore mort sur ses lèvres, Brigitte le fixa. « Excusez-moi, mademoiselle, » dit l'inconnu tout de suite, « mais est-ce que je vous semble ridicule ?» Brigitte leva des sourcils étonnés, tandis que le sourire s'accentuait. « Avait-elle affaire à un fou ?»« Pas du tout, monsieur, mais pourquoi cette question ?» « Vous avez souri avec quelque ironie il y a un instant et j'ai pensé que quelque chose allait de travers, de la suie sur le nez, ma cravate, je ne sais pas. » Cette fois, Brigitte eut un rire franc pour répondre. « Non, monsieur, rassurez-vous, votre mine est parfaite et vous n'avez pas la moindre trace de suie sur le nez. Vous vous êtes mépris sur mon sourire. » Je pensais simplement à quelque chose qui m'a amusé, et si mon regard s'est porté dans votre direction, c'est tout à fait fortuitement. Je suis désolée de vous dire que je ne vous avais même pas remarqué, tant vous étiez sage dans votre coin. » À son tour, le jeune homme sourit. « Merci pour le bon point décerné à l'élève sage. Je tâcherai de continuer pendant tout le voyage. Vous fumez ?» Tout en parlant, il sortait son étui, le tendait à Brigitte, qui prit une cigarette. « Volontiers, merci !» La glace était rompue. Brigitte n'aimait guère à se lier avec des inconnus en voyage, mais elle allait être enfermée toute la journée dans cette boîte roulante, et le hasard lui envoyait un compagnon qu'elle jugea tout de suite acceptable. L'inconnu s'était levé pour lui donner du feu, et comme il se penchait vers elle, elle vit de près le visage, un visage ordinaire, sans plus, mais dont les lèvres pleines disaient la sensualité et les yeux vifs la tendance à la raillerie. Quand le jeune homme se redressa, Brigitte apprécia le costume de voyage de bonne coupe qui mettait en valeur la haute taille, les épaules larges. Le regard de la jeune fille glissa vers les mains larges, aux ongles soignés. Mais l'inconnu interrogeait. « Est-il indiscret de vous demander si vous allez loin ?»« Au-delà de Marseille, » répondit Brigitte prudente. « Quelle chance ! Je dépasse cette ville, moi aussi. Le temps me paraîtra moins long à votre compagnie, si vous voulez bien que nous bavardions un peu. »« Pourquoi pas ? J'essaierai d'éviter les sourires mystérieux et je vous promets de vous avertir loyalement si une flamèche... » « Ne raillez pas, » coupa l'inconnu, « je ne suis nullement coquet, mais j'ai horreur du ridicule, surtout en présence d'une jolie femme. » Brigitte n'eut pas le temps de répondre au compliment si direct. L'employé du wagon-restaurant se présentait, s'adressant à l'homme. « Premier service, second. » Et le garçon tendait deux tickets lorsque le compagnon de Brigitte s'informa. « Vous permettez que je retienne les deux places ?»« Un peu tard pour le demander, » dit la jeune fille, tandis que l'employé refermait la porte. « Et si, par hasard, j'avais préféré le premier service ?»« Je dis par hasard, car, tout comme vous, je choisis toujours le second. Sans être attaché outre mesure au plaisir de la table, et Dieu sait s'ils sont médiocres au wagon-restaurant, j'ai horreur d'être bousculé. »« Excusez-moi, » je ne pensais pas que le garçon aurait, d'autorité, détaché les deux coupons. Visiblement, il nous a pris pour un couple, et, ma foi, c'est très flatteur pour moi. Le deuxième compliment fin dans quelques minutes, remarqua Brigitte. Elle n'était cependant pas trop contrariée, car de la joie riait dans ses yeux. Ainsi commencé, le voyage qui devait être fastidieux devint très vite un enchantement. Propos fut-il d'abord, lieu commun sur les paysages traversés, sur le temps d'automne, exceptionnellement doux, sur le menu standard du déjeuner pris en commun, puis la conversation se fit plus intime. Les jeunes gens, discutant d'une pièce qu'ils avaient récemment vue à Paris, se découvrirent des goûts communs sur le théâtre et certains interprètes. Du théâtre, on passa au livre, puis à la musique. L'après-midi passa très vite. Revint l'heure du wagon-restaurant où l'inconnu fit servir du champagne, une liqueur, et Brigitte se laissait aller au charme du moment. Un flirt de voyage, un marivaudage sans conséquence qu'ils oublieraient tous deux une fois arrivés à destination. Elle ne savait rien de ce garçon, pas même son nom. Il lui plaisait seulement. Il ne savait rien d'elle non plus que son prénom qu'elle avait dû lui livrer après un jeu enfantin. Elle avait ouvert son sac où brillaient deux initiales, B.R., et l'inconnu avait demandé en riant « Vous ne vous appelez pas Berthe, j'espère. Cela ne vous irait pas du tout. Voyez-vous cela ? Je vois un prénom rare, quelque chose qui s'adapte à votre personnalité. Cherchez. Barbe, Bathilde, il n'y en a pas tellement des prénoms commençant par un B. » L'inconnu avait eu une moue. « Je suis nulle en fait de devinettes. Pourquoi ne pas me le dire tout simplement ? Rien que votre prénom. Brigitte. Brigitte. » Il avait répété les deux syllabes presque avec dévotion, la voix un peu basse, et la jeune fille avait suivi le mouvement des lèvres pleines, prononçant son nom. Elle avait refermé son sac d'un geste sec, puis s'était rendue dans le couloir pour masquer sa gêne légère. Visiblement, ce garçon était attiré vers elle. Dès le début du voyage, Brigitte avait lu dans ses yeux l'admiration qu'elle voyait dans presque tous les regards masculins, et elle n'avait rien fait pour la décourager. Bah, l'aventure était amusante. Dans le train, elle ne courait aucun risque. C'était délicieux d'être troublée ainsi. Il la rejoignit bientôt dans le couloir où ils fumèrent en silence et Brigitte ne put réprimer un frisson léger. Était-ce le froid ? L'inconnu put s'y méprendre, qui suggéra « Il commence à faire frais et nous sommes en plein courant d'air ici. Ne seriez-vous pas mieux dans le compartiment ?»« Vous avez raison, rentrons. » La jeune fille avait regagné son coin, songeuse, regardant le paysage qui commençait à se noyer d'ombre violette. « Voulez-vous vous reposer un peu ?» suggéra le voyageur. « Je vais fermer les rideaux, laisser seulement la veilleuse, ou même éteindre tout à fait si vous le désirez. »« C'est inutile, laissez la veilleuse, je n'ai nullement l'intention de dormir. » »« Alors, bavardons, » dit le jeune homme, qui s'était rassis tout près de Brigitte cette fois, sans que la jeune fille protestât. Le train venait de s'arrêter. « Valence ! Valence ! » criait la voix de l'employé, traînant légèrement sur la dernière syllabe. « Nous avons eu une chance inouïe de voyager seul depuis Paris, » dit l'homme. « J'aurais mal supporté, entre nous, le gros monsieur encombrant et bavard ou la dame aux lèvres pincées qui aurait empêché d'éclore notre amitié. Car nous sommes amis, n'est-ce pas, Brigitte ?» Tout en parlant, l'inconnu avait passé un bras autour des épaules de la jeune fille et son visage était tout près du sien lorsqu'il posa la question « Nous sommes amis, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, » répondit Brigitte doucement. Le train repartait dans une légère secousse. Peut-être aida-t-elle à se joindre les lèvres si proches qui attendaient inconsciemment le baiser. Un baiser très long qu'un cri interrompit. « Gérard ! Oh !» Ni Brigitte ni Gérard n'avaient entendu s'ouvrir la porte du compartiment et le cri les dressa, suivi tout de suite d'un autre cri. « Brigitte ! Toi !» Marianne était devant eux, blême, sous la veilleuse qui la pâlissait encore, et avant que ni l'un ni l'autre se puissent faire un geste, Marianne avait refermé la porte, fuyant la vision de cauchemar, son fiancé, son ami enlacé. Et Gérard se précipita, poursuivant celle qui s'enfuyait dans le couloir désert. « Marianne ! Marianne !» Mais, d'un geste fou, la jeune fille avait ouvert la porte du wagon, sauté dans le vide.